Mais le devant comme ça, si vous regardez. C'est bon? C'est bon? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah ma ba'd. Ma wa al-fi'l al-mu'tal al-'ayn ya Muhammad. Il change de conjugaison en mandarin. Non, non, ça c'est autre chose. Il doit se dire, si on te pose la question, ma wa al-fi'l al-mu'tal al-'ayn, ça n'a pas avec le mandarin. Moi je vous ai expliqué autre chose. La lettre défectueuse est en dessous du rin ala wazan. Ma'ana indana fa'ala. Taïb. أتي بالفعل معطى العين ميت قال قال أين الحرف الإلا هنا ألف ألف هو تحت العين مفهوم حس كي كونسر المضارع سوف تخش هسا بارك الله فيك طيب après je vous ai dit quoi par rapport à ça يا وهبي المعطى للعين au niveau du مضارع qu'est-ce qui va se passer on a dit Défectueuse, elle va être remplacée soit par un wa ou soit par un yes. Soit... C'est-à-dire, soit son alif il va rester, comme quoi par exemple Comme ba'a. Ba'a, il y a ba'ou. Ba'a, il y a ba'ou. Non, il y a ba'ou. Non, toi. Il y a ba'ou. C'est plutôt nama, il y a nam. Inch'Allah, prenez ça bien par cœur. Hein. Et un autre exemple. Il y a bi'ou, il y a un exemple, il en reste un. Hakada. Il donne un kala, il y a koulou. Ba'a, il y a bi'ou, nama, il y a nam. Il faut m'aider, Inch'Allah. Taïb, on dit qu'il y a un khana aïman, barakallahu fik. Al-mu'tal al-'ain. Taïb. Quand il est medzoum, qu'est-ce qu'on fait? Détaille-le, c'est-à-dire, on commence par exemple, tu me dis à toi, Anta taqulu. Naam. Je vais ramener par Lam taqul. Taïb. Il y a un soukoun sur le waw. Naam. Anta taqul. Naam. Sur le waw, il y a un soukoun. Et comme il est majzoum, il y aura un soukoun sur la dernière lettre. Voilà. Donc il y aura deux soukouns qui vont se rencontrer. Voilà. Et on va enlever la lettre qui est faible. Voilà, le waw. Alors on dira Lam taqul. Taïb. Vous avez compris tout ça, Inch'Allah? Hein? Ici c'est l'amr. C'est la même chose. Mais on rajoute une chose, c'est quoi? On supprime la lettre du mudara qui est quoi? Le ta. Anta taqulu al-amr, t'enlèves le harf al-mudara, ta taqul qul. C'est compris ça inshallah? Et ça tu fais ça avec la nahia, mfoum, ou avec l'am, ou avec l'amma et avec l'amr. Et on verra également avec l'am l'amr également. Tout le monde a compris inshallah? Hein? طيب بسم الله on s'est arrêté alors à l'exercice 21 c'est ça hein non l'exercice 18 18 ouais voilà 18 ba'a بسم الله les frères ta'amil ma yali hamidun ba'a ar-rijalu ba'u aminatu ba'at an-nisa'u bi'na anta bi'ta antum bi'tum أنت بعتي أنتن بعتن أنا بعت نحن بعنا إن شاء الله ها سي واضح يا ربي اقرأ ما يلي غاب زميلي يوما وأنا غبت يومين سي كومبريس إن شاء الله طيب اقرأ يا محمد متى جئت إلى الجامعة جئت في فدي قاعدتي نعم À toi. Bikem bi'ata sayaratu bikem bi'ata sayaratuka sayarataka ya amru bi'tuha bi thamaniyati alaf riyal na'am عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبالمدينة المنورة أنا ماجد بالكتاب اليوم يا أستاذ C'est bien quand vous entendez le nom du professeur, de dire sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il y a du ajr. Et le prophète, sur ce moment, il a comparé celui qui ne prie pas sur lui comme un quoi ? Qui connaît la route ? Comme un avare. Mais faut ? C'est pour ça qu'ils disent, les muhadithines, ils ont beaucoup du ajr. Car ils écrivent beaucoup le hadith du prophète, ils disent, sallallahu alayhi wa sallam, et certains même, ils blâment le fait de faire comme ils font en français, là. PS, la paix et le salut. Foum, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikoum. Au suivant. Sirna kilometrayn. Juste, répète, hein, c'est qui a lu ? C'est toi qui as lu ? T'as lu Ana Majitu bil Kitab al-Yawm ? Oui. Ya Ustad, tfaddal ya Ayman. Sirna kilometrayn. Très bien. جاءت الطالبات نعم جئنا قبل قليل ثم ذا كومبري ان شاء الله تامل ما يلي حامد يبيع الرجال يبيعون امنه تبيع النساء يبيعن انت تبيع انتم تبيعون انت تبيعين انتن تبيعن انا ابيع نحن نبيع اقرا ما يلي. Ah, l'exercice 22, vous avez compris c'est quoi hein? C'est à toi si tu veux travailler avec. Bismillah. Doucement, il y a à voir, comme ça on, tout le monde te suit. Tu dis al-baqala, al-baqali, al-baqala. Pourquoi ? Al-iflam. Taïb, s'il n'y avait pas al-iflam ? Baqaloun. Baqaloun. Taïb, pourquoi tu dis pas baqalan ? Il n'est pas nasrobé. Il a quelle place ici alors ? Fa'al, très bien. Car c'est lui qui vend. Non. Tu saches que vous connaissez, Inch'Allah. Il a dalik. Il y a bien le baqal, l'épicier, le sucre, le sucre, le milh, le sel, le zeyt, l'huile, le bayd, les œufs, le zubd. Zubda, c'est le beurre, le joub, le fromage, le daqiq. La farine ou l'adas, les lentilles. T'as à pas comprendre avec daqiqatun. T'as vu, hein? Daqiqatun, c'est la minute. Daqiq, c'est la farine. Au suivant. Il y a un asadou. Il y a un asadou. Il y a un asad. C'est le lion. Le lion. Mata yadji ou le moudi. Mata. Mata. Ouais. Mata yadji ou le moudi. يجيء المدير في الساعة السابعة. السابعة. نعم. متى يجيء المدير؟ يجيء في الساعة السابعة. أتريد أن تبيع سيارتك يا أستاذ؟ قالت مدرسة للمديرة: هؤلاء طالبات يغيبن كثيرا. نعم. قالت المدرسة للمديرة: هؤلاء الطالبات يغيبن كثيرا. يسير القطار بالبخاري. نعم. كذا يقصد. Je traduis ça là, c'est-à-dire ici on va dire il a le sens de rouler. Al qitar, c'est le train, al bukhar, à vapeur. طيب ان شاء الله. يسير القطار بالبخار. Il n'y en a plus, je pense hein. Bon, allez. طيب, suivant. La dernière. نعم سي الفروتي ها تامل ما يلي يبيع لم يبيع لم يبيع لا يلتقي سكنان ها سي لا ميم غاي كون افاي كوا قال يقول لم يقول ها سي كومبري ان شاء الله تبيع لا تبيع لا تبيع ها حذف ماذا اليا لاجل ماذا التقى سكنان et on a dit pourquoi car c'est la lettre qui est faible تبيع الامر بيع ها بيع et après بيع اقرا ما يلي اين المدير لما يجي اين المدير pourquoi une كسره اين المدير نعم لما يجي لما لما يجي نعم pas لما طيب est-ce qu'ici on aurait pu dire لما directement. Qui est d'accord avec lui ? Un, regardez bien, deux. Imagine. Qui a compris ? Il répond. Ben non, parce qu'il y a ici Aïn al-Mudir. peut pas dire lama. On peut pas. C'est pas une, déjà une réponse. Mais Fumada, vous avez compris? Mais s'il aurait dit hal ja al mudir, lama. Mais comme ça, aïn al mudir, t'as aimé, Inch'Allah? Le suivant. Siyarata. يا علي لا تبيع هذه السيارة بيع تلك لا تغيب كثيرا يا حامل يا حامل بيعت السيارة يا أخي لا لم أبيعها نعم ملاحظة سنجي غمارك تكتب الهمزة في يجيء بعد الياء وفي لم يجيء فوق الياء هذا سي une règle de l'écriture طيب il te dit Yaji'u, c'est-à-dire s'il est marfou, hein? S'il est marfou, tu l'écris où? À côté. Mais s'il est medzoum, tu mets le ya, je veux dire le hamza, au-dessus du ya. Mais faut, Inch'Allah? Tout le monde a compris cette règle? T'as pas compris? Il dit tuktabu al-hamza fi yaji'u. Tu vois yaji là? Hein? Le Hamza, c'est quoi le Hamza? On va faire le voir à Ayman là. Fais le voir, c'est où? Il est écrit où là? Au-dessus du Ya ou à côté du Ya? À côté. À côté. Quand il est marfou, tu le mets à côté. Mais quand il sera Medzoum, le Hamza, il y aura quoi? Une secoune. Tu le mets au-dessus du Ya. Regarde, c'est pour ça qu'il te dit Ba'd el Ya. Wa fi lam yadi, fawq el Ya. Est-ce que dans la Hamza, il y a des verbes qui se ressemblent? Ça sera pareil, la règle. Oui, c'est pas juste pour la mienne, c'est-à-dire tout ce qui s'emploie comme ça. Taïb. Ta'amul mayali, hamidun nama, al-awladu namu, aminatu namat, al-banatu nimna, anta nimta, antum nimtum, anti nimti, antunna nimtunna, ana nimtu, nahnu nimna. Iqra mayali. S'arrêtez où? Fadal. Essaye de lire à vote, hein. Tout le monde. Nama akhi fi sa'ati al-ashira. Wa ana nimtu ba'dahu bi qalil. Naam. Matan nimtan. Nimtunna, nimtunna. Matan nimtunna al-barihata ya akhawati. Nimna ba'da muntasif al-layl, c'est-à-dire minuit. Ah, muntasif al-layl, c'est minuit. Suivant. Jiftu al-barada. Jiftu. Jiftu. Regarde bien, regarde bien. Non, on a jif. Khiftu al-barada falam falam akhruj. Falam akhruj. Falam akhruj min bayt min bayti al-yawm. Min al-bayti al-yawm. Lamma tu regardes. Si c'est sami'ta ou sami'tu. Et pour savoir ça, tu regardes la fin. Regarde ce que tu as dit. Lamma sami'ta hada al-khabar kitu abki. Pourquoi sami'tu? Pourquoi tu as changé là? Parce que j'ai cru que c'était père là. Le père? Ouais, j'étais trompé. J'ai cru que la fin c'était père. Comment le père? J'ai pas compris là. J'ai cru que le dernier mot c'était père. J'étais pas. Je me suis trompé. C'est dire quoi père? Le père, le père, le papa? Ouais, le père. Le papa. Mais là, j'ai pourquoi t'as mis Samiatou là? Hein? Pourquoi t'as pas laissé Samiata? Parce qu'il y a Kitou. C'est-à-dire Kitou, c'est toi. Mm-hmm. Voilà, ça c'est un indice. Ahsen. T'as vu? Adaftarouka, Hada. Lalantouhou, Adaftari, Wakit. نعم أدفترك هذا ظننت دفتري وكدت أكتب عليه اسمي أنامت البنات أنامت après si tu mets c'est la liaison à la base c'est أنامت البنات أنامت البنات نعم نمنا قبل قليل très bien نمت البارحة نعم دو بونور تأمل ما يلي حامد ينام الأولاد ينامون آمنة تنام البنات ينمن أنت تنام أنتم تنامون أنت تنامين أنتن تنمن أنا أنام نحن ننام. C'est compris inchallah. اقرأ ما يلي تفضل. أخي الصغير ينام أخي الصغير ينام مبكرا أما أنا فأنام بعد منتصف الليل. منتصف الليل très bien. Suivant. متى تنامين يا خديجة؟ متى تنامين؟ هاه تبرونس لا فان. متى تنامين يا خديجة يا خديجة خديجة؟ يا خديجة. يا خديجة. أنام في الساعة عشرة. العاشرة. العاشرة ونصف. نعم. أتنام بعد الغداء يا إخوان. أتنامون بعد الغداء يا إخوان؟ نعم. لمدة نصف ساعة. سيفون. ألا تخاف الله يا رجل؟ بلى أخاف. قال الطالب. قال الطالب. قال الطالب الجديد للمدرس أين؟ أين أجلس يا أستاذ؟ قال له المدرس أجلس. أجلس. أجلس. أجلس حين تشاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. هو يخافون. نعم. تأمل ما يلي. ينام لم ينام لم ينام لا يلتقي ساكنان. C'est la même règle que quoi? أتنامون بعد الغداء يا إخوان. نعم ننام لمدة نصف الساعة. C'est-à-dire on nomme à peu près d'une durée d'une une demi-heure. المدة c'est une durée. Un temps. مفهوم؟ هذا معنى مدة. كم لك هنا؟ كم مدة لك هنا؟ Tu réponds. هذا معنى. طيب تأمل ما يلي. ينام لم ينام لم ينام لا يلتقي ساكنان تنام الأمر نام نم تنام لا تنام لا تنام مفهوم إن شاء الله. اقرأ ما يلي. نام زملائي ولم أنم. très bien. لا تنام في الفصل يا أحمد. خاف ربك. خاف ربك. ربك. لا تخاف سيكون الامتحان سهلا. نعم سيكون الامتحان سهلا. سوا يا عثمان أنت نعسان ألم تنام بالليل بالليل تبيا بلى نمت ولكن نمت ساعة فقط. نعم يا عثمان أنت نعسان ألم تنام بالليل بلى نمت ولكن نمت ساعة نعم نمت ساعة فقط. C'est compris, Inch'Allah. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع الضبط الحرف الأول. طيب, il demande de lire les mots suivants et tu lui mets les bonnes terminaisons. Vas-y. قل باع باع. Tu dis ça, tu dis باع لي كتاب يا أخي. بيع. زود Suivant, vas-y vite. Khaf. Khoul. Soum. Nam, nam, il y a quelque chose avant. Nam. Suivez les frères. Soum. Sir. Hein? Koun, taïb. Kala yakoulou. Là, il vous a mis quoi? Entre parenthèses, il vous a dit. Al-alif, ça correspond à quoi? Al-harf al-illa, vous y êtes? Et le waw? C'est quand il sera au Moudara. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ba'a yabi'u. Al-alif, harf l'illa. Walakin fil Moudara. Il est devenu yabi'u. Taïb. Nama yanamu. L'alif, il est au Madi, il est au Moudara. Anta qulta, ana qultu. Taïb. Wal'am qul. Anta bi'ta, ana bi'tu. طيب الأمر بيع. طيب أنت نمت أنا نمت الأمر نم. كاين كيسيون بارابور ا سو درس في المعتل العين؟ كل مدا كومبري ان شاء الله. ها طيب الكلمات الجديدة كامل أنتي الملح لسال العدس للانتي القطار لتخان منتصف الليل منوي غلب يغلب فانكر. طيب صداع مود مال دو تات الزيت لويل البقال لبيسي البخار لا فابور حيث او ها سي كومبري اجلس حيث شيت سي سي تو او تو مفهوم. كذب يكذب منتير مشغول اوكيبي. طيب الجبن فروماج بيضة جمع بيض لزو فاكيهانيو سي لو فروتيي ينبغي il convient ذو القعدة سي لو مو ان عرب الدقيق لا فارين الغابة لا فوري الغدا سي ا ميديا ان فرونسي اون دي كوا ديجيني السلام سي الماتان déjeuner taïb repas sinon dieu hein la yambari il ne convient pas. Tu peux répéter d'où le qaada? C'est à moi d'où le qaada. D'où le qaada après je crois il y a d'où le hadja. Taïb comme il y a un peu de temps on va lire le texte et tout comme ça demain on commencera l'exercice ce sera mu'tal al-fa bismillah nqra al-hiwar dars 28 لسون 28 تفضل. ماذا تفعلين يا بناتي يا بناتي يا بنتي يا بنتي اكوي اكوي الثياب الثياب التي غسلناها امس. نعم اكوي الثياب التي غسلناها امس. اكويت اكويت القميص اكويت القميص يا اكويت اكويت القميص اكويت القميص سي سير كان C'est sa sœur, Akawaiti. Akawaiti, le famille, c'est parce que c'est à cause du prénom, c'est. Là, Souad. Comment Abiad? J'ai pas compris. Pourquoi tu t'es concentré sur Abiad? Ibrahim, il parle à sa sœur. Mada taf'ilina ya binti. C'est même pas sa sœur, c'est sa fille. Akawaiti, le famille, ya. Al Kamisa, ya Wahbi. Naam. Pas Kawaitu. كويتو كاف هذا تجي قريم أو كريم لا كريم كريم هذا فقريب. طيب نعم كويتو والقميص الأخضر. لا لما أكويه بعد لما لم أكوي بعد سأكويه الآن إن شاء الله. نعم لا لم أكوي بعد مسي سيتي لما إلا غيبي دير كوا لما وسيفون في الصباح لي فراليزي ها تريدين ان تقولي لي شيئا؟ نعم ان زميلتي سلوى دعتني الى بيتها هذا المساء فارجو ان تسمح لي بذهابي الى بيتها بعد نعم نعم إن زميلتي سلوى سان برينوا دعتني إلى بيتي هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد الصلاة العصر. وارجعي طوى ارجعي لا في ستخيا وارجعي بعد الصلاة المغرب. Quand je vous dis préparer le texte aujourd'hui, un frère m'a donné une faïda. Ils disent que l'imam Malik رحمه الله avant de donner son cours, c'est pas avant de faire un cours, il lisait son cours 100 fois. Imaginez-vous. 100 fois, il lisait son cours. Ça ira peut-être, avant, quand il va arriver, il va dire de tête. Quand on lit quelque chose au bout de 10, 20 fois, ça y est. Alors imaginez-vous, 100 fois. Tarjamat l'imam Malik, rahimallah. Alors imaginez-vous, vous aurez lu ce texte au moins une dizaine de fois. Ça y est. Chacun, il lit une ligne très rapidement. اذهبي وارجعي بعد الصلاة المغرب. يا أبا محمد تعال هنا وانظر. وانظر. Je viens de corriger le frère. يا أبا محمد تعال هنا وانظر. انظر إن محمدا يجري على السلام أخشى لا با على السلام على السلام على السلام على السلام أخشى أن après il y a un point إن محمدا يجري على السلام أخشى أن يقع مفهوم بارك الله فيك لا تجري يا محمد تعال هنا تعال هنا ما هذا بإيمانك prends ton temps ما هذا بيمينك بيمينك أريني ارمي هذا تراب ارمي هذا تراب arrêtez-vous les frères au point comme ça fait une bonne lecture يدخل محمود السلام عليكم وعليكم السلام جئت اليوم جئت اليوم متأخرا يا محمود ناسي إبراهيم طيب جئت اليوم متأخرا يا محمود فما السبب شكوت اليوم أحد زملائي إلى المدير فطلبنا إلى مكتبه للتحقيق Les frères, regardez. Lem. Il y a un point d'interrogation. Lima, chakaoutou. Lima, chakaoutou. On a fini le 2 bientôt. Là. Alors, regardez, là, c'est un élève qui se plaint d'un autre élève. Il vous donne une anecdote de Cheikh Mohamed Ibrahim, rahimahullah, qui était le grand Cheikh de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et c'est le grand-père de qui ? De Salah Ali Cheikh. Une fois, il y en a, il s'est plaint auprès de lui, car il y en a, il plaisantait sur un talib im. Et il l'a frappé devant tout le monde. Il a dit, « La testahzi bi talib im. » Vous avez compris ça ? Il a dit, « Ne plaisante pas sur un talib im. » Alors imaginez-vous à notre époque maintenant, on ne plaisante même pas sur un talib im. On ment sur des talib im. Ça ment, ça fait des problèmes à un talib im. Alors qu'un talib im, indallah, il a une grande place. Parce que bidnillah, un talib im, il va devenir quoi, bidnillah ? Un héritier de qui ? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Et ça, c'est dans la tarjama de Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, rahimahullah. Il l'a frappé, il lui a dit, ne plaisante pas avec un talib im. C'est-à-dire, c'est un homme, il éduquait beaucoup ses élèves. Et un autre, une fois, lui a dit, ya Cheikh, un tel, il parle sur toi. Il l'a frappé, il lui a dit, le diable n'a trouvé que toi pour venir. Regardez, subhanallah. Ouais. C'est-à-dire, il voulait quoi ? Fermer cette porte-là. Maintenant, al-namima ou al-kadib. Pour ça, les frères, il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup attention avec ça. Le mensonge, c'est très, très grave. Tel point que Cheikh Rabi'i dit, c'est min sifat al-yahoud. Al-kadib, laisse à min sifat al-islam. Min sifat al-yahoud wa al-munafiqin. C'est vrai. Et tu trouves des frères parmi nous qui mentent, qui font des problèmes. C'est pour ça qu'il faut mettre en garde sur ces gens-là. Wallah. Un frère qui ment et qui jure Wallah, si vous le voyez marcher avec des frères, tu dis ce frère-là, fais attention, il ment. Il fait des problèmes. C'est wajib. C'est pas un petit mensonge. Ibn Qayyim, il dit assas li kulli shar. C'est la base de tous les maux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit ? La yazar rajul yakdub hatta yakdub indallah mada. Kadhab. Vous avez compris ? On a parlé de ça par rapport à ça. Le respect d'un talib im. Barakallahu fikoum. Doucement, tu veux lire vite et après on n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Ma hadhi al halawa. اشتريتها اشتريتها لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا أدعوهم لتناول العشاء لا بل لتناول يلا حفجر لتناول العشاء بعد غد نعم فسيكون عمك موسى أيضا معنا سيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله. إن شاء الله. Des mots pas compris ? Donnez la ligne et la personne, hein, comme ça, ça va plus vite. Fadal Mohamed. Tanaoul. Tanaoul, c'est le dernier mot, ça veut dire. Hein, ici, il a le sens, quand il a dit Doroum les Tanaoul, ça veut dire pour prendre le repas. Hein. Et après, il peut avoir plus en sens. Être à la portée. Tu vois ? Mais ici, le sens de quoi ? Pour qu'il prenne le repas avec nous. Non. Tanaoula. Ouais, parce que là c'est Nala. Mais après il y a Nala également. Pardon. L'avant-dernière réplique de Mahmoud. L'avant-dernière de Mahmoud, hein? Ouais. Royat, oui. Tawaz, le verbe tawaz c'est plier. C'est où, mais Mahmoud? Ah, quand il a dit. Liannaou daimon yakhoud kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Hein? Tawaz c'est le verbe plier. Il plie, mais. Qu'est-ce qu'il a dit là ? Les feuilles. C'est bon ? C'est bon ? Allez. C'est bon, les vrais ? Allez, Bilahouna, Barakallahu fikoum.